D'après Yonhap de Corée du Sud, les bellicistes sud-coréens ont livré le vide-courant, les exercices conjoints de tir contre nous, au parage maritime et dans l'espace aérien de Prohang de la province du Gyeongsang du Nord. Y ont été mobilisés une dizaine de vaisseaux de la première flotte de la marine, notamment contre-torpilleurs, patrouilleurs et vedettes de missiles téléguidés, les avions tactiques de différentes sortes des forces aériennes, pour ainsi livrer les exercices de lancement de missiles téléguidés anti-aériens et anti-navires. Précédemment, le 7, 9 troupes de DC-1, y compris la première brigade anti-aérienne du quartier général pour la défense de la capitale, ont fait des exercices de tir de missiles téléguidés dans un champ de tir de la province du Chungcheong du Sud.